venu sur la terre pour lui casser son cœur. Vous ricanez mes frères, vous me direz tout à l'heure. Si de tous mes travers, j'ai votre appui extérieur. Je suis pas parti parce que j'avais peur d'elle. J'ai pas voulu finir sans ce décor poubelle. Je partage pas son oubli pour mes organes sexuels. Tous mes poils sont mis d'un coup à pousser et la bave s'est mise soudain à couler. J'ai râlé, j'ai grogné, j'ai hurlé. Je casse tout quand je deviens le garou. J'ai sauté sur son corps, j'ai sauté dans son lit. Quand elle criait encore, j'oubliais son mari. C'est vrai qu'il avait tort de sortir sans elle toute la nuit. Les prisons de la vie sont les institutions qui font perdre leur vie à grands coups de bâton. Mais je garde l'envie d'emprisonner leur maton. Tous mes poils sont mis d'un coup à pousser et la bave s'est mise soudain à couler. J'ai râlé, j'ai grogné, j'ai hurlé. Je casse tout quand je deviens loup-garou. Et la bave s'est mise soudain à couler. J'ai râlé, j'ai grogné, j'ai hurlé. Je casse tout quand je deviens loup-garou.